le miroir. Je me dis que c'est trop tard, je parle de mes retards. C'est pas facile d'écrire des mots doux. C'est pas facile de dire je t'aime et c'est tout. Je n'aime pas ce silence entre nous. Je suis des étoiles sur ta joue. J'essuie les larmes en dessous de ton cœur et dans ton cou. Je guette ce que tu manges et ce que tu jettes. Je me prends pour la reine de tes assiettes. C'est pas facile d'être dans le coup. C'est pas facile d'avoir au bon goût. J'aime bien ces huis clos entre nous. Je ferme les volets de chez nous. Je mets les voiles sur ton bouquetou. Je te prépare du mouton que t'aimes beaucoup. J'ai ce que tu portes et ce que tu mets en poche. Tu rêves de salopette de bébé en sacoche. C'est pas facile de donner la vie. C'est pas facile d'être mère par ici. J'aime bien tes projets de petits bouts. On est des femmes avant tout. Tu glisses sur la toile, mon amour. De la famille qui s'installe pour toujours. Entre nous, je suis les étoiles sur ta joue. Je suis les larmes en dessous de ton cœur et dans ton cou. J'aime bien ces projets de petits bouts. On est des femmes avant tout. Tu glisses sur la toile, mon amour. De la famille qui s'installe pour toujours.